grand les yeux, lève ton soleil du fond de ton sommeil. Réveille le jour, rayonne l'amour en plein cœur du réel. Le monde est un soleil noir, une nuit sans étoiles qui me voile ton regard. Le monde est un grand miroir où je cherche à revoir l'instant soi. De ces petits soleils qui brillent dans le ciel de tes yeux contagieux, de ces petits feux qui brûlent mes nuits, éclairent toute ma vie. Le monde est un vieux soleil fatigué de tourner la roue d'or de sa clarté. Le monde ne peut donner sa lumière et sa joie sans toi. Ton souffle solaire me fait vibrer à tous ceux qui vivent sur la terre. Tu es le ver doux dans mon désert, mon pain quotidien à grâce. Je t'emmènerai sur mon oiseau d'or, mon Dieu immortel, et l'on s'envolera sur les ailes vives du ciel en dedans, vers notre pays où tout est transparent. Ils illumineront nos cœurs, ces petits soleils vivants qui rayonnent dans nos corps l'énergie de l'éternel.